316, activation, oral discrimination of un, une. You will hear a series of phrases containing a noun preceded by un or une. For each phrase, indicate which article you hear by checking the corresponding box. Un. Nous allons proposer un jeu. Deux. Vous allez inventer une histoire. 3. Je vais choisir un français pour l'histoire. 4. Moi, je préfère une française. 5. Ça va être une étudiante. 6. Elle va avoir un ami suédois. 7. Ça va être un roman d'amour. 8. Il faut donner une famille aux jeunes gens. 9. La jeune fille va avoir une mère, bien sûr. 10. Est-ce qu'elle va avoir un père? 11. Maintenant, il faut donner un prénom aux jeunes gens. 12. Ils vont se rencontrer dans un aéroport. D'accord ?